Alceste, c'est moi. Mais attention, voici ces jambes interminables qui dès le départ sont au perché sur ses talons. Mais attention, Alceste, j'insiste, c'est moi, minable. Peut-être encore, mais attention, reste que c'est interminable et que c'est que le début de la chanson. Alceste encore, vous saisissez, voici sa main, je prends pour une danse, sa main fragile, que je sais douce, quand elle se pose, vous saisissez. Alceste, j'insiste, c'est moi, en transe, à trop tourner, vous saisissez. Je passe à voir ce qu'elle en pense, car c'est que le début de la tournée. J'attaque sa peau, vous m'excusez. Alceste, j'insiste, c'est moi. Elle râle, trop impuissante, vous m'excusez. Si je la mords jusqu'à lui faire mal, pour un début, c'est enragé. Alceste encore de trop vouloir, épuisé de sa nuque blanche, j'en ai perdu toute direction, j'ai l'impression de trop vouloir. Alceste, j'insiste, bête comme un manche, bien trop tendu de trop vouloir. Je confonds sa nuque et ses hanches, pour elle c'est le début. Mes attentions, mes attentions.